Bonjour Lily. Bon. Merci d'être avec nous dans nos studios pour ta chronique. Aujourd'hui, je vous parle des chélateurs de métaux lourds. Déjà, je vais commencer par définir ce que c'est, hein, parce que chélateurs, ce sont donc des molécules qui vont se lier fortement aux métaux, tels que le mercure, le plomb, l'aluminium, qu'on a stocké en fait dans les organes afin de les neutraliser. Un chélateur, ça va être ça, dans le but de neutraliser ces métaux lourds qu'on a en nous. Après, on peut définir donc ce qu'est métaux lourds. Donc, selon le droit européen, un métal lourd désigne tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome, de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain, ainsi que ses matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses. Donc, en fait, ces métaux lourds, depuis la révolution industrielle, on en trouve un peu de partout. On a parlé la semaine dernière donc, des amalgames dentaires avec le mercure, mais on peut en trouver dans les canalisations avec le plomb. On va en trouver vraiment partout dans notre environnement, donc forcément dans notre corps. Et qu'est-ce qui va être dangereux avec ces métaux lourds? C'est que les métaux lourds, en fait, ils ne peuvent pas naviguer tout seuls dans le corps. Ils ont besoin de se lier à quelque chose, et en particulier aux graisses. D'accord. Donc, finalement, plus il y a de graisse dans ton corps, plus il y a de métaux lourds ou pas du tout? Non. Alors, ça non. Va, on ne peut pas faire vraiment de généralité comme ça. Mais juste, on sait que... Selon les personnes, on sait qu'ils peuvent se stocker dans les graisses, sachant que le cerveau, le système nerveux est composé et constitué de corps gras. C'est là où on trouve un effet de cause avec les maladies aujourd'hui, comme Alzheimer ou autres. Enfin, on va en parler plus loin. Il faut savoir qu'en fait, déjà, nous, dans notre corps, on a un système de détoxification. Donc, on n'est pas obligé, même si on est exposé, on n'est pas obligé de stocker ces métaux lourds dans nos cellules adipeuses ou autres. C'est juste lorsque notre système, il n'en peut plus, il est dépassé, qu'on va les entasser et les stocker. Alors, comment savoir si on est intoxiqué ou pas aux métaux lourds? Il existe des laboratoires d'analyse, mais pas en France. Parce que on a besoin justement pour mesurer ça de chélateurs, de les déstocker pour pouvoir les mesurer. Donc du coup, selon l'AFSAP, donc Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAP fait un peu l'autruche par rapport à tout ça, et tout ce qui est nouvelles maladies neurodégénératives, les maladies somatiques, tout ça, on met tout sur le compte des troubles psychiques voire psychiatriques. Et l'AFSAP avait publié un rapport sur les amalgames dentaires, sur le mercure, avec une conclusion qui au final ne fait pas avancer les choses, alors qu'on sait que dans d'autres pays c'est interdit. Par rapport à ces laboratoires d'analyse, donc il en existe, mais à l'étranger, il y en a deux qui sont reconnus internationalement, en France, en Allemagne et au Luxembourg, Microtrace et Laboratoire de Brême. Après, donc voilà, ça permet de réaliser des tests de chélation à domicile, savoir un peu, donc ils proposent un chélateur ça permet de mesurer vraiment les métaux lourds. C'est quand même possible, les laboratoires n'existent pas en France, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible. Alors attention, ces traitements qu'ils vont proposer de chélation, c'est souvent le DMSA, donc c'est un acide dermacaptosuccinique, c'est un composé de soufre. Il faut que tu travailles ta prononciation. Hein. Ou l'acide alpha-lipoïque, c'est un acide soufré. Et en fait, c'est des molécules qui sont utilisées par les armées pour traiter les militaires qui sont exposés aux métaux lourds. Ah ouais. Donc, c'est un chélateur, vraiment. Le problème, c'est un petit peu... Dangereux. Ouais, parce que c'est comme... Enfin, on n'est pas des bouteilles d'Orangina où on se coud et puis c'est meilleur avec la pulpe. Non, là, justement, si on va capter ces métaux lourds, ils vont se retrouver dans le système digestif. Donc ça peut faire parfois beaucoup d'un coup, ça va être soit irritant pour la barrière muqueuse, la barrière intestinale, où ça va surcharger les reins. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun. Voilà, il y a des dangers. Donc, c'est vraiment à faire avec précaution et bien encadré. Donc, ne le faites pas chez vous. Voilà. Après, encore une fois, ça révèle bien qu'en France, il y a vraiment un déni du problème des métaux lourds parce qu'il n'y a rien d'encadré, il n'y a rien qui est proposé en France. Donc, un déni, c'est-à-dire que la France n'y croit pas ou c'est-à-dire qu'il n'y a rien en place pour... Ça veut dire que oui, il n'y a rien en place. Les unités d'hospitalisation qui étaient consacrées à la chélation, elles ont toutes fermé en France. Les labos ne sont pas autorisés à pratiquer les tests. Donc oui, il y a vraiment un déni, quoi. On ferme les yeux, on fait la politique de l'autruche. Alors du coup... Mais du coup, ces métaux lourds pour la population française, c'est un danger aussi, il faut bien. Oui, à un moment, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut en prendre au moins conscience et tout à fait. Et donc, si c'est pas possible en France, excuse-moi, mais s'il n'y a aucun laboratoire qui peut faire ce geste, qui peut le faire finalement ? Alors du coup, faut aller à l'étranger. Dans certains pays, ils ont plus d'études et de résultats. Ils savent un peu mieux comment guider les gens qui ont envie de savoir, de prendre conscience de ça, s'ils font vraiment un lien avec ces maladies, parce que il y a plusieurs quand même études médecins qui ont démontré qu'il pouvait y avoir un lien avec Alzheimer, tout ce qui était maladie aussi cardiovasculaire, parce que forcément un organisme qui est intoxiqué, ça affaiblit le système immunitaire et ça peut engendrer tout un tas de maladies. Mmh. Même la dépression, l'autisme, la schizophrénie, enfin vraiment, ça va vraiment loin. Après, pour moi personnellement, Pachamama, la terre-mère, nous propose quand même tout un tas de ressources, de légumes, de ressources naturelles, tout à fait. Qui pourraient remplacer finalement... les techniques des laboratoires, tout ça qu'il n'y a pas en France. Tout à fait. D'ailleurs, on va trinquer, Lily. Hein. J'ai fait petit jus. Alors, donc, ce jus, il a pour effet de limiter les métaux lourds, c'est ça ? Alors, non. Je vais t'expliquer. Alors, explique-moi. Regarde la couleur. Moi, j'aime bien savoir quand même un minimum ce qu'on fait boire. On va le laisser décanter comme du bon vin. Et je vais t'expliquer. T'as mis de la drogue dedans, c'est bon, il n'y a aucun risque. Non. Alors, en fait, sent hyper fort. Les jus, c'est pas vraiment des solutions, mais ça peut être des outils. C'est-à-dire que, par exemple, pour détoxifier le foie, on sait que la carotte, la pomme, le céleri, la betterave sont des fruits, des légumes intéressants. Et ils vont venir... Il y a l'effet aussi chélateur. Tu te demandes ce qu'il y a dans mon jus. Oui, je suis en train de me sentir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a emmené ? Alors, dans ce jus, on retrouve du raisin, des prunes, des pommes de mon verger, du gingembre, de l'ortie, du chou cal. Ah ouais, d'accord. Alors, faut savoir que j'aime pas les fruits, mais je... J'en mange pas. Hein. Si mes parents m'écoutent, j'en mange pas. Ils se battent. Mais voilà, toi, tu vas être la première devant toi. Alors, tous ces fruits et légumes, voilà. Alors, pour en revenir au chélateur, les légumes verts à feuilles sont reconnus justement pour aller capter un petit peu ces métaux lourds dans notre corps d'une façon naturelle et douce. Donc, on va avoir donc tout ce qui est légumes verts à feuilles, comme je disais, épinards, laitue, persil, coriandre, toutes les fans de carottes, les fans de betteraves aussi, de l'aneth. Et en plus de venir récupérer un petit peu, nous détoxifier de ces métaux lourds, ça va être une source de magnésium et de fer. Donc, c'est vraiment un complément nutritionnel concentré. Alors, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de fibres, ça passe directement dans le sang. Ça va pas fatiguer les intestins. D'accord. Et que du coup c'est un très bon outil. Bon, il faut être équipé, il faut avoir un extracteur de jus, avoir 5 minutes pour le faire, mais après et la recette, on peut la trouver sur internet ou... Alors là, la recette, c'est instinctif. J'ai fait instinctif. Avec ce que j'avais et... N'aie pas peur. N'aie pas peur. On déguste le jus. Santé. Santé. Alors, qu'est-ce que tu retrouves comme goût? Je suis très mauvaise à ce jeu-là, en fait. On sent bien le gingembre. Ouais. Il y a aussi de l'aloe vera, parce que j'en avais que sous forme de feuilles. Donc, je l'ai un peu mélangée. L'aloe vera est très intéressante pour... on connaît ses vertus pour la peau, pour les coups de soleil. Mais en fait, au niveau du système digestif, elle va avoir vraiment un effet adoucissant. Et elle va avoir un effet aussi réparateur de la muqueuse intestinale. Donc... C'est ce que j'allais dire, en fait. Au premier abord, quand on le sent, on dit que c'est un côté très doux. Et en fait, quand on le boit, il a un petit côté épicé qui est agréable aussi. Ouais, ça, c'est le gingembre qui relève ça, un peu. Ça, c'est le gingembre. Bah, tu as un bon instinct. Ta recette est réussie. Bon, merci. Merci. Alors, la différence entre ce jus-là et les jus du commerce, c'est que déjà ils sont transformés, pasteurisés. Alors on va plus retrouver, vu que c'est pasteurisé, on va plus retrouver les vitamines, les minéraux. Et c'est souvent, si on regarde, si on fait pas attention plutôt, déconcentré. Donc on n'a plus les aliments dans leur intégralité. Et souvent ils rajoutent des sucres, donc en fait ils ont aucun intérêt. D'accord. Vaut mieux faire son propre jus. Et donc, pasteurisé, excuse-moi, mais c'est quoi en fait la définition? C'est de la stérilisation. Ok. Donc, okay. C'est comme de la choucroute pasteurisée, elle n'a plus aucun intérêt nutritif. Ouais. Ok. Toutes les petites bactéries sont neutralisées. Ouais, et donc ça c'est comme quand tu, voilà, quand tu chauffes, tu perds aussi les vitamines, enfin certaines vitamines, certains minéraux, et du coup, ça perd un peu son sens. Ok. Et il ne faut pas oublier aussi, je réinsiste là-dessus, mais qu'on est des êtres vivants et qu'on a vraiment cette capacité intrinsèque de se dépolluer. Ouais. Et que la toxicité n'est jamais liée à la nocivité du produit, mais à notre capacité à se détoxifier, à gérer les toxines et à éliminer. En fait, il faut vraiment faire confiance en son pouvoir d'auto-guérison. Donc, ouais, finalement, en fait, ce qu'on est un peu en train de dire, là, si je résume, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on dit que tout ce qui est bactéries, tout ça, tout ce qui est pesticides, ça peut être dangereux pour la santé, mais finalement, ça peut être aussi bon pour la santé. J'irai pas si loin, là. Enfin, non, mais... Si on a les bons outils, si on utilise les bons fruits, les bons légumes... Si on fait son propre jus... On peut être un véritable guerrier dans le monde ouais. où on vit. Et Donc c'est important de cuisiner soi-même. Ah mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Être sûr de ce qu'on mange et arrêter de faire confiance aux industriels, aux agros. Ouais. Donc passer du temps dans votre cuisine. Ouais c'est ça. Et donc voilà, donc vraiment ce pouvoir d'auto-guérison. Et il faut vraiment laisser aucun laboratoire vous faire croire qu'il détient la solution. Surtout s'il fait de la publicité, hein, c'est vraiment qu'il a besoin de vendre. Les solutions, de toute façon, on est les seuls à les détenir. Mm-hmm. Voilà. Ok. C'était la note de fin ? C'était la note de fin. Bon, vous êtes seuls à détenir la solution. Merci d'être venu dans nos studios. De rien. trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Couldn't be.